Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes, fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo au 107 FM pour l'émission culturelle. Cette semaine, nous allons nous consacrer cette émission à Alain Bashung, puis à un livre de Lionel Béra nommé Les Arcanes du Temps. Alain Bashung est donc un auteur né le 14 décembre 1947 et mort il y a quelques années, donc le 14 mars 2009, qui a été connu pour avoir révolutionné le milieu de la musique française par des musiques vraiment expérimentales. Et la musique que vous venez d'entendre ici était résident de la République. Alain Bashung s'essaye à beaucoup de styles musicaux, notamment le style américain, qu'on retrouvera dans beaucoup de ses musiques, notamment l'une de ses plus connues, Bleu Pétrole, dans lequel on peut y entendre une sorte de musique country. Mais Alain Bashung ne se limite pas à ça, puisque toutes ses œuvres sont vraiment expérimentales. La plus expérimentale de tous est, je pense, Samuel Hall, qui n'est pas chanté à presque aucun moment, mais plutôt parler. Ça n'est ni du slam ni du rap pour autant, non, c'est indescriptible, c'est vraiment un style qui n'appartient qu'à Bashung et qu'on peut voir nulle part ailleurs. Il utilise aussi beaucoup de sous-textes. Donc par exemple, dans cette musique, nous avons pu comprendre qu'il comparait les résidents de la République à une relation de couple qu'il a avec, donc qui se détériore peu à peu, la confiance partant au fil du temps. Et encore une fois, c'est le cas dans toutes ses musiques. Une très belle maîtrise de la langue française. Encore une fois, je n'ai pas pris la chanson Résident de la République pour introduire Alain Bachung pour rien. Puisqu'encore une fois, le titre y est une belle démonstration. Un bon jeu de mots entre résident et président. Qui montre une fois de plus la maîtrise de la langue française de Bachung. Et pourtant, malgré son talent lyrique, les paroles restent quand même très crues. Ce qui est loin d'être un défaut, puisque ça lui va très bien avec son style. Et c'est presque impressionnant, en fait, le contraste entre la poésie qui ressort de ses musiques, donc notamment Volute, qui est vraiment très poétique, avec ce côté un peu franc-parler, un peu familier, qu'on peut avoir, notamment dans Samuel Holmes. Mis à part cela, Alain Bachung est aussi un artiste de rock, il ne faut pas l'oublier, qui se sera marqué par plusieurs de ses chansons phares, notamment Fantaisie militaire, Madame Rêve, Bleu Pétrole, Volute, Je t'ai manqué, ou encore La nuit je mens. Beaucoup d'œuvres vraiment imprégnées du style d'Alain Bachung, puisque bah, effectivement ce sont des sujets qui sont abordés par tous les chanteurs, par tous les poètes, par tous les artistes, mais dont Bachung sait tirer son épingle du jeu, puisqu'il réussit à y apporter une modernité, donc à retranscrire en fait les thèmes qui sont abordés depuis des années au changement contemporain qu'il a connu pour avoir vécu dans les années 80. Avoir chanté dans les années 60. Donc voilà. Je vous ai parlé de Alain Bachung, je vous ai parlé de ses œuvres. J'espère que Résident de la République aura su vous tenter, aura su vous faire apprécier l'auteur, qui d'ailleurs écrit les textes, les musiques et les interprète. Il fait donc presque tout dans ses musiques, à part certaines qui sont en fait en réalité écrites par d'autres compositeurs, notamment Samuel Hall. En tout cas, j'espère que l'auteur aura su vous plaire. Si c'est le cas, je pourrais vous conseiller quelques musiques pour commencer à découvrir l'auteur. Donc, tout d'abord, Résident de la République, qui, je pense, permet de faire le tour, de montrer en fait à la fois l'aspect expérimental de l'auteur, mais aussi tout en gardant une approche beaucoup plus commune, beaucoup plus standard, qui permettra d'apprécier sans forcément avoir à être dans le délire de l'auteur. Je vous conseille aussi Ma petite entreprise, une très belle musique, une très belle chanson. Aussi Samuel Hall, une de ses musiques les plus expérimentales, incroyable à entendre, vraiment étrange, c'est ça qui en fait toute sa magie. Un mystère d'ailleurs plane autour de cette musique, puisque personne ne sait vraiment de quoi elle parle. En tout cas, personne n'a réussi à se mettre d'accord sur son vrai sujet. Et enfin, la dernière musique que je pense vous conseiller, c'est mon coup de cœur, c'est Volute. Le clip il est vraiment magnifique, la musique y est réussie, simple mais vraiment vraiment prenante, avec encore une fois un style un peu américain, l'harmonica, un style un peu western, voilà. Et le texte y est vraiment génial. C'est-à-dire, on sort un peu des textes un peu vifs, un peu crus, qu'on peut avoir sur ses autres musiques, pour vraiment ne garder que la poésie. Et ça fait vraiment du bien à entendre. Nous allons donc passer à la première pause, et la dernière pause aussi, de cette émission. Je vais vous dire à tout à l'heure, en vous laissant avec une musique, encore une fois, d'Alain Bachung, qui s'appelle justement Volute. Donc voilà, j'aimerais vous la présenter, j'aimerais vous la faire écouter. Je vais donc vous la montrer tout de suite. Volute par ton fumée, volute fond des nuées de scopules. Volute par ton fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance des dagues et des lances. En toute innocence, volute par ton fumée, sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus. Fais des heures sous, je m'adonne à la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, ma marteau au fond des garages. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de l'émission culturelle sur Radio Gameuzo au 107FM. Et donc après cette partie totalement dédiée à Alain Bachung, nous allons à présent parler d'un livre, d'un roman de Lionel Béra, un auteur local, pas très connu malheureusement, qui s'appelle Les Arcanes du Temps, donc édité aux éditions Rebelles. C'est un livre plutôt long, de 418 pages, donc un livre moyen en fait, qui raconte, c'est une épopée fantasy, fantastique, sur les voyages dans le temps. Donc avec cette thématique d'un enfant, d'un adolescent, enfin de plusieurs adolescents, qui découvrent les plans d'un... un sociopathe anglais qui a financé, enfin qui a dépensé des sommes astronomiques pour remonter dans le temps, enfin afin de remonter dans le temps pour tuer Jeanne d'Arc avant que celle-ci ne sauve la France, pour que les Anglais gagnent la guerre de 100 ans. Et donc ses enfants vont, sans le vouloir, enfin malgré eux, essayer de rétablir le cours de l'histoire en protégeant Jeanne d'Arc. Mais là-bas, arrivés là-bas, ils vont en fait se rendre compte que Jeanne d'Arc est déjà manipulée par des personnes qui viennent du futur, dans le but justement qu'elle puisse sauver la France. On y découvre donc dans ce livre déjà une première partie, un premier aspect qui est sans doute ce qui en fait toute sa qualité en fait, qui est celui d'une intrigue vraiment bien ficelée. Tout s'emboîte. Certains passages sont vraiment forts en révélation, notamment un certain passage à la fin sur le voyage dans le temps qui rend humble, qui rend modeste quand on l'entend, quand on le lit. Que je ne vous lirai pas ici parce que certains voudront peut-être lire le livre. Nous y avons aussi un aspect assez intéressant, puisque à aucun moment, à part à la fin, les personnages ne savent pas vraiment comment le voyage dans le temps est géré. C'est-à-dire, il y a un groupe qui pense que si par exemple on change quelque chose dans le passé, le présent est changé. D'autres qui pensent que ça crée des mondes parallèles. Et d'autres encore qui pensent que ça crée tout simplement un paradoxe qui va détruire le monde. Et c'est pour ça aussi que les intentions de chacun sont différentes, mais qu'ainsi ils réussissent à vouloir atteindre le même but, tout en pouvant avoir des intentions différentes, selon comment ils perçoivent en fait le voyage dans le temps. Ce livre est un vrai chef-d'œuvre, un rendez-vous avec l'histoire, puisque on y voit le personnage de Jeanne d'Arc, qui est considéré comme un personnage principal, sans surprise, et qui est vraiment incroyablement bien écrit, puisqu'on y trouve en fait une adolescente, tout simplement, assez malicieuse, assez joueuse, et donc une différence en fait, voilà. Un choc entre l'époque, une époque médiévale et une époque moderne, qui se fait à la fois douloureux en fait, à la fois brusque, dans le sens où l'auteur a bien réussi à marquer en fait la différence de culture et les difficultés à se faire comprendre pour des personnes qui viennent du futur justement, du présent, à une transition un peu plus douce, puisqu'au final, on y remarque que les comportements psychologiques des personnages sont les mêmes qui viennent du présent ou du passé. Ce livre, encore une fois, le second aspect du livre, c'est la partie romance, l'histoire en fait entre les personnages, donc. Une partie peut-être un peu plus adolescente, qui pourront moins accrocher ceux qui ne sont pas concernés, mais qui reste vraiment bien écrite aussi, sans aucun complexe. Les propos sont assez crus, encore une fois, comme pour Bachung, notamment sur la torture. On y a un beau passage sur la torture et sur les pillages menés pendant la guerre de 100 ans qui est vraiment terrible. Et qui nous rappelle les conditions de l'époque, les conditions de guerre de l'époque, qui présentent donc les soldats comme, pour la plupart, des bêtes assoiffées de sang. Mais pour autant, il y en a certains d'entre eux qui comprennent, qu'il faut pas faire ça, quoi. Enfin, je sais pas vraiment comment dire ça, mais qui comprennent, qui gardent un sens moral en fait. Je vous propose donc de vous lire la toute première partie de ce livre. Avant tout, oui, effectivement. Le livre, c'est bien précisé en début, est basé sur des éléments véridiques. Et c'est assez impressionnant, si on recherche après tous les éléments du livre, de voir que une histoire qui colle autant, en fait, est effectivement basée sur beaucoup de petits détails qui pourtant sont réels. Ce qui a dû rendre, je pense, l'écriture du livre encore plus étrange, enfin, encore plus difficile, en fait. Donc, je vais vous lire le tout début du livre, donc le tout début du chapitre 1. Tout est fini. Enfin, le soleil d'été m'aveugle légèrement. J'inspire profondément une bouffée de cet air pollué, délicieux. J'avais oublié à quel point il était différent de celui que j'avais inhalé lors des trois dernières semaines. Il porte en lui quelque chose de rassurant, d'apaisant, de familier. Une madeleine de Proust, sous forme gazeuse en quelque sorte. Je me trouve sur le perron de la magnifique demeure de Blackrow, dans laquelle j'ai commis l'imprudence de pénétrer 20 jours plus tôt, et de laquelle je suis ressorti il y a 10 secondes, vivant. Je regarde autour de moi mes compagnons qui ont partagé cette aventure. Du moins ceux qui sont revenus. Ceux qui ont survécu. Leurs visages sont maculés de terre et de sang, à travers lesquels les larmes ont dessiné des arabesques plus claires. Leurs vêtements sont dans un état lamentable, tachés et déchirés. Je ressens un large éventail de sentiments étranges contrastés. Certes, le soulagement domine, mais il est accompagné d'un mal-être profond que je ne parviens pas à surmonter. Donc vous y découvrez là tout le travail stylistique aussi de l'écrivain, tout le travail sur la forme, qui elle aussi est vraiment réussie. Même si des fois les informations, je pense c'est un peu le seul bémol de ce livre, toutes les informations sur le voyage dans le temps, toutes les réflexions, viennent parfois un peu éloigner la beauté de l'écriture. Ce qui est un peu dommage, mais ce qui reste néanmoins secondaire. Donc c'est un livre que je vous conseille, donc de Lionel Béra, un très bon écrivain. Un écrivain local, encore une fois, je le répète, c'est important de le préciser. D'ailleurs, petite coïncidence, enfin je ne sais pas si c'est une coïncidence, le livre contient 88 chapitres. Preuve de plus que cet écrivain vient d'ici. Et si vous êtes intéressé par ce roman et que vous voulez élargir votre champ de connaissances sur l'auteur, je vous conseille aussi Ubiquity, un livre sur la folie. Alors j'ai pas eu l'occasion de le lire malheureusement, mais enfin pas encore. Mais il a l'air vraiment intéressant. Peut-être qu'il soulève peut-être quelque chose de plus effrayant, de plus adulte. Car autant les arcanes du temps est plutôt dédié aux adolescents, autant Ubiquity semble plutôt fait pour peut-être plus âgé, peut-être plus mûr. Mais il a l'air d'être vraiment un très bon livre lui aussi, que je vous conseille également. Cette émission est donc terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je laisse l'antenne. Et à bientôt pour une prochaine émission de Culturel. L'émission présente des œuvres contemporaines, pas forcément très connues, et qui pourtant le méritent. À bientôt.